Et on retrouve un autre Raymond Poirier. Celui-ci est chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société pour la chronique TI. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Alors aujourd'hui, tu nous parles de télévision et de réseaux sociaux. Exactement. En fait, du phénomène globalement de la télévision connectée. Donc, qu'est-ce que c'est la télévision connectée? Bien, de manière générale, en fait, c'est tout ce qui fait le lien entre la télévision et Internet. De plus en plus, quand on regarde des programmes, on a l'impression que ça devient presque incontournable de ne pas avoir nos petits appareils ou d'être à proximité d'un ordinateur pour tirer vraiment le maximum de l'expérience télévisuelle. Parallèlement, on peut avoir l'impression donc que la télé exploite un peu ça justement pour augmenter son interactivité, pour changer un peu la donne quand on regarde la télévision, que ce soit pas simplement une activité passive, mais qu'on puisse être dans un échange, dans une vague. Mais parallèlement, à travers ça aussi, et c'est un peu l'élément paradoxal de ces développements-là, c'est que la télé amène aussi les gens vers les médias sociaux, vers les réseaux sociaux, en leur disant, bah, regardez, oui, vous n'êtes simplement qu'un récepteur présentement, mais vous pouvez être plus si vous allez sur le web, si vous profitez des nouvelles plateformes. Vous êtes acteur, finalement, prendre part à la discussion. Exactement. Bon, c'est certain que quand on parle de discussion au sens large, au niveau philosophique, en fait, il y a tout récemment, on a organisé une conférence avec Hervé Fischer, on l'a reçu ici à CKRL, et lui disait, bah, regardez, dans tout ça, on s'entend qui lit l'ensemble des tweets qui sont émis, exemple, pendant la finale de 19-2. Et il y a beaucoup de gens qui disent ce qu'ils pensent simplement pour participer à ça, mais au bout du compte, les gens qui sont vraiment retweetés, diffusés, ben il y en a pas des tonnes non plus. Donc, c'est quand même, bon, un autre paradoxe de cette réalité-là. Et encore là, on parle de discussion. Ça reste, par exemple, pendant une fiction, oui, 19-2 va générer beaucoup de tweets, mais il n'y a pas vraiment de discussion. Par exemple, tout le monde en parle, qui génère aussi beaucoup de tweets sur la discussion. Et là, au moins, des fois, il y a un propos, et là, ça réagit un peu plus. Mais sur une fiction, ben, c'est difficile d'avoir une opinion. Ça. Exactement. Au fond, on émet des éléments, des réflexions et le reste. Donc, c'est d'autres questions, si on peut dire, qui peuvent être soulevées par rapport à tout ça. Mais ce qui est important de savoir d'emblée, c'est qu'il y a une enquête qui a été faite par Médiamétrie du côté de la France, que je trouve assez intéressante, qui dit, bon, et c'est pas un secret pour personne, Internet fait de plus en plus d'adeptes, plus en plus de gens qui y vont. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux estiment que les progressions sont liées à l'actualité et aux événements de l'année, mais pas seulement. Donc, elles sont liées aussi à des pratiques grandissantes concernant la vidéo, concernant les réseaux sociaux et concernant le e-commerce. Donc, le commerce électronique et le reste. Donc, c'est les raisons pour lesquelles les gens s'abonnent tranquillement aux services Internet, prennent l'habitude d'utiliser le web. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on remarque aussi, c'est que l'année dernière, il y a vraiment eu une explosion de la fragmentation des usages et de la transversalité des usages sur des écrans, donc tablettes, ordinateurs, téléconnectés, mobiles, etc. Donc, l'idée qu'on observe un écran en utilisant un autre écran, qu'on fait un peu deux choses en même temps et que parallèlement, ben, qu'on sert d'un écran aussi pour regarder la télé et le reste. Donc, ça change un peu la donne par rapport à l'appareil qu'on utilise et par rapport à la dynamique qu'on a. Donc, ça, c'est la première chose. Si on regarde aussi de manière générale, l'autre élément en lien avec la télé, c'est que les médias sociaux ont été vraiment embrassés de manière générale, donc comme moyen de participation à distance au programme télévisé. Donc, ça, c'est deux éléments qu'on note autour de ça. Et la question, c'est de savoir maintenant, mais pourquoi la télévision? Pourquoi est-ce que la télé a autant intégré cette expérience-là? Et pourquoi les médias sociaux ont sauté aussi à pieds joints un peu dans ce type d'expérience-là? Ouais. Donc, encore là, c'est le genre de réflexion qui peuvent être menées dans des centres de recherche spécialisés. On pense à l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques à l'Université Laval et ailleurs. Mais je lance quelques idées comme ça parce que je trouve que la question est intéressante et que sur le web, il y a quand même des conclusions qui sont assez pertinentes. Donc, notamment, ce qu'on dit, c'est cette idée que la télévision, dès le départ, est quelque chose qui était pensé pour être expérientiel. Donc, dans la mesure où, quand elle est née, on écoutait rarement la télévision seul devant la télé, c'était généralement une activité familiale. Et dans bien des cas, pour des gros programmes, on pense aux soirées du dimanche soir au Québec, c'est rarement des soirées en solo, c'est généralement des soirées en petit groupe en famille, donc en groupe restreint. Et aussi, les grands événements qu'on vit à la télé, on pense au Super Bowl, mais sont généralement accompagnés aussi par rassemblements. Ouais. Donc, c'est un côté expérientiel. Et maintenant, ce qui se passe avec les médias sociaux, c'est cette idée que l'expérience n'est plus limitée à notre cercle restreint d'amis, de parents et autres, mais est élargie à l'ensemble, dans le fond, des observateurs, à l'ensemble des téléspectateurs qui participent à travers les médias sociaux et qui, donc, se joignent dans une expérience commune et dans lequel, au bout du compte, l'idée de tweeter ou de mettre sur Facebook le reste, c'est de dire, ben, regardez, moi aussi, j'y participe, j'y suis, je suis avec vous et je peux échanger autour de ça. Donc, c'est le côté expérientiel avec un rassemblement de moins en moins restreint. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est donc en continuité des habitudes de la télévision. Et dans ce contexte de continuité-là, les réflexions qui sont menées dans un article sur Regard sur le numérique mentionnent, c'est qu'il n'y aura pas nécessairement non plus à ce titre de concurrence entre les médias sociaux et la télévision. C'est pas des médias qui sont concurrents et des réalités qui sont concurrentes, c'est des réalités qui sont conjointes. Bon, évidemment, le web au sens large vient concurrencer la télé, mais en offrant essentiellement le même service. On pense à Netflix, par exemple, on pense à YouTube, à tout.tv, etc. Ouais. Bon, essentiellement, ce qui se passe, c'est qu'on reproduit l'expérience de visionnement télévisuel, mais sur une autre plateforme que la télé à proprement parler. Et il y a même beaucoup de chaînes de télévision qui ont leur site web avec les émissions qu'on peut regarder. Exactement, mais il n'y a rien qui m'empêche, par exemple, de regarder en différé la finale de 19-2 sur tout.tv puis de réagir sur les médias sociaux. Et au même titre, on peut s'imaginer aussi que quand sur Netflix, ils vont sortir leur série exclusive, mais les gens vont réagir au premier visionnement un peu de la même façon qu'ils réagiraient si on observait l'expérience sur la télé, donc avec le même type d'échange, avec les hashtags, etc., etc. Donc ça, c'est assez intéressant là-dessus. Ce qu'on dit, c'est essentiellement donc la télé devient contrainte de se connecter elle aussi pour faire une place à l'utilisateur et pour lui donner la possibilité de choisir. Donc une révolution, dit-on, métaphysique plus grande encore que l'invention de la télécommande. Et donc ça viendra pas bouleverser, mais ça viendra enrichir. Mais à un terme, ça viendra aussi transformer. Parce que là, dans le fond, on est face à une audience qui est vivante, entre guillemets, au sens très large. Donc, la télévision est amenée à, éventuellement, on imagine, développer des nouveaux outils d'interaction. Parce que pour l'instant, il y a quand même la notion émetteur-récepteur, et même si je réagis à ce qui se passe à 19-2 ou à Tout le monde en parle, il n'y a rien qui va se passer qui va faire que je vais avoir une influence sur la programmation. Non, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Ce qu'on fait parfois, c'est que les gens qui participent au programme vont être sur les médias sociaux pendant l'émission pour réagir, pour partager leurs réflexions, pour répondre à certaines interrogations, donc offrir une expérience élargie peut-être de visionnement, mais au-delà de ça, de quelle manière la télé va-t-elle évoluer? Donc ça, c'est le premier point que certains chercheurs semblent se poser, et l'idée même éventuellement de dire, d'un côté, si on n'est pas en mesure de bonifier l'expérience au-delà de ce que c'est présentement, les gens vont peut-être se fatiguer, mais d'un autre côté, c'est qu'on peut aussi utiliser l'information pour permettre aux gens de se regrouper, de se réunir dans des réseaux d'intérêt. Et d'un réseau d'intérêt à l'autre, en venir à offrir des parcours scénarisés, presque, de visionnement télévisuel, où on dit, si t'as aimé telle série, tu l'as écouté, et t'en as discuté avec 10 000 personnes sur Twitter, est-ce qu'on pourrait maintenant vous amener ce groupe-là à écouter telle autre série tout de suite après pour que vous puissiez profiter des liens qui ont été faits de manière très brève dans un contexte très, très précis. Donc, pour pouvoir se retrouver comme ça, oui, de semaine après semaine dans le visionnement de cette émission-là, mais également au-delà dans d'autres contextes, d'autres émissions. Donc, comment faire déménager, si on peut dire, l'audience sociale d'une émission à l'autre? Donc, ça, c'est une question. Évidemment, l'autre question, c'est cette idée, justement, d'audience sociale-là. Donc, l'idée que les chaînes, présentement, donc si on essaie de générer la réception sur Twitter, sur Facebook, un peu partout, on veut le mesurer. Et on veut éventuellement pouvoir dire aux annonceurs, regardez, oui, on attire, 1 million de téléspectateurs en visionnement fixe, mais également, on a, 200 000 tweets, 500 000 tweets qui vont être générés pendant le cours de l'émission. Parce que c'est important, et tu parlais, par exemple, de tout.tv, ça a changé aussi la manière laquelle on regarde la télévision, mais aussi de la manière où on calcule les codes d'écoute. Parce que si, disons, tout le monde regarde une émission, mais surtout .tv, ce ne sera pas calculé et ça se peut que cette émission-là ne revienne pas à cause de ça, alors qu'elle est super écoutée, mais par la suite sur Internet. Donc là, le poids, par exemple, des tweets viennent prouver qu'il y a des gens qui regardent l'émission. Ou non. Ou l'inverse. Le problème, en fait, c'est... Je prends n'importe quel exemple. On peut dire comme ça, un Super Bowl fictif. Si le match est d'un ennui mortel, et que finalement, on a des grosses codes d'écoute à la télé, oui, on a une très grosse audience sociale, mais on a des millions de personnes qui tweetent que c'est plate. C'est pas nécessairement le genre non plus d'audience qu'on veut avoir et qu'on peut facilement promouvoir. Et le problème présentement, dans la manière dont on calcule et dont on énonce l'audience sociale d'une émission ou d'une autre, c'est qu'on n'est pas encore en mesure, de manière adéquate, de bien calculer justement l'intention derrière les tweets. Est-ce que c'est un regard ironique sur ce qui est dit? Est-ce qu'on se moque de l'émission? Est-ce qu'on la dénigre? Ou au contraire, est-ce qu'on la promouvoit? Est-ce qu'on y réagit de manière enflammée? Et donc, on amène des gens de plus à l'écouter parce qu'il y en a un qui dit diminue à long terme notre audience et l'estime qu'on peut avoir, et l'autre qui, au contraire, l'augmente. Donc, encore là, ça, il y a toute une analyse, finalement, des commentaires qui sont portés sur les réseaux sociaux qui devraient être faites pour pouvoir avoir de bons résultats, finalement, pour pouvoir en tirer quelque chose. Exactement, parce que pour l'instant, sinon, ça reste une statistique, mais une statistique qui fait simplement dire, ben, ce que vous avez proposé fait réagir, mais on n'est pas en mesure de vous dire, mais si ça fait réagir positivement ou négativement. Donc, c'est pour l'instant, en fait, disent certaines analyses, ben, une donnée qui est, oui, intéressante, mais qui est foncièrement incomplète. Et donc, il ne peut pas encore être présenté tel quel comme garant du succès ou non d'une série ou d'une émission. Mais c'est encore nouveau, c'est encore très récent, là, ce phénomène-là de télévision connectée. Exactement. Et c'est en train de changer radicalement un peu tout. Hein. On en parle sporadiquement à chaque fois qu'on parle de médias sociaux et de participation citoyenne, entre autres. Mais c'est un mode de participation. Et évidemment, ensuite, ça amène aussi des gens à vouloir participer comme ça dans une pléiade d'autres choses. Et quand on tombe dans des débats politiques, par exemple, ou dans les débats, justement, au niveau électoral, ben, subitement, on prend conscience aussi du poids et de la force que peuvent avoir ces tendances-là. Alors, ça, c'est à surveiller parce que on est à une étape où peut-être que la télé, selon les études et selon les analyses que j'en ai trouvées dans ma veille stratégique, la télé est en train de devoir réfléchir de plus en plus à ces modes d'intégration de ces outils-là. Parallèlement, ces modes d'intégration-là sont en réflexion, entre guillemets, dans leur rapport avec tout ça, un rapport de copromotion. Mm-hmm. Mais à travers tout ça, ben, la manière de faire à peu près tout ce qui propose une émission et une réception est en train aussi de se transformer. Et à travers ça, ben, notamment la chose politique. On revient souvent, d'ailleurs, sur le fait que c'est les élections, outre des grands événements festifs, mais c'est les élections qui génèrent aussi le plus de réactions sur les réseaux sociaux. On pense aussi aux manières de faire campagne. On pense à Barack Obama dans ses deux dernières campagnes qui a quand même réussi assez stratégiquement à les intégrer. Alors, on voit des expériences comme ça, mais qui restent pour l'instant, de ce que j'en comprends, des expériences quand même assez distinctes, mais qui, bientôt, seront probablement intégrés dans une tendance beaucoup plus large et beaucoup plus généralisée et dans une transformation plus profonde aussi de la manière dont on fait la télé, de la manière dont on propose la télévision. Et en tout cas, en tant que téléspectateur, ce qu'on sait, c'est que quand on veut ne pas se faire vendre un punch le soir d'une grande émission, on parlait de 19-2, on sait que ça a généré beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, ben on sait qu'il faut juste pas ouvrir, finalement, les réseaux sociaux si on n'a pas pu regarder l'émission et qu'on pense la regarder plus tard, parce que finalement, presque tout est dit. Je pense qu'on peut relater un épisode ou presque si on faisait, par exemple, l'exercice de relire tous les tweets qui ont été faits, par exemple, sur l'émission. Oh, clairement, et même en fait sur certains blogs et le reste, donc il faut rester loin de tout ça. ça donne plus de contraintes. On est obligé de l'écouter en direct. ça reste l'idéal. Je préconise encore beaucoup la télévision en direct, malgré toutes les possibilités aujourd'hui de regarder la télévision. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je rappelle aux gens que tu es chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société, l'ITIS. Et d'ailleurs, on peut réentendre les chroniques que tu fais dans l'émission. Oui, au www.itis.ulaval.ca. Allez dans notre section Actualité. Et on retrouve aussi plus d'informations sur l'Institut, sur tous ces dossiers également. Raymond Poirier, un grand merci. On te retrouvera donc la semaine prochaine pour une autre chronique de technologie de l'information.